Aujourd'hui, 25 janvier 2011, je lis un ouvrage de critique littéraire. C'est celui de Jean-Yves Tadié sur le récit poétique. Il a paru pour la première fois aux presses universitaires de France en 1978. Et l'édition que j'utilise, c'est celle des éditions Gallimard, parue en 1994. Dans son introduction, Tadié commence par aborder la notion de genre littéraire. C'est une notion qui est très critiquée, du moins dans la définition que Brunetière en a donnée à la fin du 19e siècle. Néanmoins, cette notion a un intérêt certain pour la critique littéraire, encore aujourd'hui, car elle permet de comprendre les formes communes qui unissent plusieurs œuvres ou plusieurs auteurs. Alors, bien entendu, le texte qu'on appelle moderne, c'est-à-dire le texte du 20e siècle en particulier, abolit cette vieille distinction entre les genres littéraires. Mais les catégories que l'on emprunte aux textes classiques sont indispensables à l'analyse de textes modernes qui, même si ce n'était que pour mieux les détruire, croyaient encore au genre. Et mais quoi qu'il en soit, la définition des grands genres littéraires ne doit pas empêcher la poétique, c'est-à-dire la théorie ou l'histoire de la littérature, ne doivent pas cette définition des grands genres ne doivent pas les empêcher de s'occuper des minorités, de ces textes qui sont à la limite entre les différents genres. C'est par exemple ce que fait Suzanne Bernard dans son essai sur le poème en prose, ou bien Tsvetan Todorov dans son essai sur la littérature fantastique. L'article de Jacobson, Linguistique et poétique, qui est reproduit dans les essais de linguistique générale, permet de faire la synthèse pour réconcilier les tenants du genre et leurs adversaires. En fait, la position qu'exprime le linguiste, c'est que ce qui différencie le langage commun, qu'il soit parlé ou écrit, et le langage littéraire, ce n'est pas l'écart plus ou moins grand par rapport à une norme, mais c'est le dosage de fonctions qui sont présentes dans chacun de ces langages, mais qui sont présentes à des degrés divers. Et on peut appliquer la même théorie au genre littéraire, c'est-à-dire que tout roman est un peu poème et que tout poème est un peu récit. Tous les genres sont fondus les uns dans les autres, mais il y a toujours une dominante qui permet de rattacher un texte à un grand genre. C'est en tout cas ce que veut montrer l'analyse. C'est ce que veut montrer Jean-Yves Tadié dans son ouvrage qui veut faire une analyse de ce qu'il appelle le récit poétique. Alors d'abord, il s'agit de définir ce qu'est un récit. Alors, un récit, c'est une relation d'événements que l'on raconte ou que l'on relit. Ces événements peuvent être des événements au sens commun, au sens où on l'entend tous les jours, quelque chose qui arrive, mais ils peuvent aussi être une succession de sentiments ou une succession de paroles. En effet, on ne peut raconter une succession de sentiments ou une succession de paroles que s'ils sont devenus des événements. Le récit peut donc contenir des analyses, c'est-à-dire des exposés de sentiments, ou bien il peut contenir des discours ou des dialogues, c'est-à-dire un exposé de paroles. Le récit doit être impérativement distingué du roman. Dans le récit, les événements et les personnages sont subordonnés au récit. C'est-à-dire que le récit ne s'intéresse ni à la complexité des personnages, ni à l'épaisseur de la durée. Il s'intéresse à d'autres variables. Par exemple, le rationnel, l'enchaînement tragique ou bien la poésie. En quelque sorte, le récit peut être considéré comme l'épure du genre romanesque. En fait, le récit poétique prend la forme du roman, mais il emprunte au poème ses moyens d'action et ses effets. C'est pourquoi l'analyse du récit poétique doit tenir compte à la fois des techniques de description du roman et des techniques de description du poème. Alors l'hypothèse du critique littéraire va être la suivante. C'est que le récit poétique conserve la fiction d'un roman. Il y a des personnages auxquels il arrive une histoire en un ou plusieurs lieux. Mais en même temps, des procédés de narration renvoient au poème. Dans le récit poétique, il va être à l'œuvre un conflit constant entre la fonction référentielle, qui consiste à évoquer, à représenter, donc un conflit entre la fonction référentielle et la fonction poétique, c'est-à-dire la fonction qui attire l'attention sur la forme même du message. Pour Jacobson, la poésie commence au parallélisme. Ainsi, dans le récit poétique, va se mettre en place un système d'échos, de reprises, de contrastes, qui sont l'équivalent, à grande échelle, des assonances, des allitérations, des rimes, qui forment... Non, je reprends. Donc en fait, ce système d'échos, de reprises, de contrastes, va être l'équivalent à grande échelle des assonances, des allitérations, des rimes que l'on va trouver dans le poème. Donc, c'est-à-dire que dans le récit poétique, on va trouver des parallélismes sémantiques qui vont être l'équivalent des jeux sur les sonorités. Qu'on trouve dans un poème, qui est une forme plus courte que le récit poétique. Un autre trait qui donne qui participe de la dimension poétique du type de récit dont il est question, ce sont les figures de rhétorique. Dans le récit poétique, la métaphore est aussi présente que dans le poème. Tels sont donc les traits qui font que le récit poétique tient à la fois du poème que du roman. Néanmoins, même au niveau de la fiction, il y a un certain nombre de traits qui distinguent fondamentalement le récit poétique du roman. Le premier de ces traits, ce sont les personnages. En fait, les personnages dans le récit poétique sont comme des formes dont il faut analyser la fonction. Et cette fonction, elle est déterminée par la nature du récit poétique qui est caractérisée par le dépérissement des références réalistes et de la psychologie. C'est-à-dire que les personnages ne se définissent pas par rapport à un modèle réel qui expliquerait la biographie de leur créateur, mais ils prennent place dans le domaine imaginaire, et uniquement dans ce domaine imaginaire, non dans la vie. Et cet effacement des personnages laisse à l'espace, au décor, une place de première importance. En effet, le récit poétique échappe à la contemplation immobile qui appartient plutôt au poème ou au tableau. Et de ce fait, il se fait itinéraire. Donc, on le voit de façon évidente dans Le paysan de Paris d'Aragon ou dans la presqu'île de Gracq, mais les modèles de ces récits. Ce sont bien sûr l'Odyssée d'Homère ou la Sylvie de Nerval. Ainsi, tandis que dans le roman classique, l'espace est un cadre dans lequel se déroule l'action, dans le récit poétique, l'espace a une dimension autrement plus essentielle. L'espace est quasiment un personnage, et il est peut-être même le personnage principal. Et le temps subit le même sort que l'espace. Le récit poétique n'est pas le compte-rendu de toute une vie, mais il se met en quête d'instants privilégiés. Ainsi, le discontinu, le culte de l'instant, l'éclair, qui appartiennent habituellement plutôt au poème, sont des traits caractéristiques du récit poétique. Autre trait que le récit poétique partage avec le poème, c'est l'importance du rythme. La musique nous a appris que le thème revient toujours autre. Une phrase identique ou un moment identique sont toujours différents parce qu'ils sont placés en intro, en un autre lieu du texte, et donc ils sont le fait qu'ils soient chargés de tout ce qui précède les modifie. Donc on pense par exemple au refrain d'une chanson, bien entendu. Et comme la musique, le récit poétique utilise les pouvoirs de la répétition. Il est comme un livre escargot dont la coquille s'enroule sur elle-même pendant qu'il progresse doucement. Ainsi, du fait de son caractère intemporel, le récit poétique se rapproche d'un mythe dont le sens obscur se livre et se dérobe à la fois au moment du dénouement. Le récit poétique, comme le mythe, est l'histoire d'une expérience et d'une révélation. Il n'est pas le monde résumé dans une parole unique, comme le voulait Mallarmé, mais il refuse tout autant l'encyclopédie qui, de Balzac à Martin Dugard, a été le rêve des romanciers. Le récit poétique ne se propose pas d'explorer la totalité du monde, mais de suivre un sentier à travers bois.